6. Je me suis réveillé en sursaut au milieu de la nuit, avec la certitude que quelqu'un s'était tenu là, au pied de mon lit, m'observant dans mon sommeil. Quelqu'un qui venait de disparaître à l'instant et dont l'odeur corporelle flottait encore dans l'air. C'était absurde, bien sûr. L'abri était plus hermétique qu'un coffre-fort et la porte blindée verrouillée de l'intérieur. Néanmoins, je n'ai pas pu retrouver le sommeil et, hagarde, incapable de m'ôter cette idée de la tête, j'ai passé une demi-heure à inspecter la pièce, allant jusqu'à ouvrir les placards pour m'assurer qu'ils ne dissimulaient aucun passage. Afin de m'arracher à cette obsession, j'ai repris le dépouillement des archives en m'attaquant cette fois au relevé des droits d'auteur. Benjamin Lofson avait dit vrai. Au cours des années 70, Sawana avait gagné beaucoup d'argent. Ses royalties étaient régulièrement virées sur son compte bancaire à Palm Spring. Là où la chose devenait étrange, c'est qu'elle s'empressait de vider ce même compte dans les 48 heures suivant le virement, comme si elle avait un besoin urgent de liquidité. C'est tout juste si elle laissait en caisse de quoi régler les prélèvements obligatoires et les taxes locales, elle emportait le reste sous forme de liasses. Pourquoi ? La faisait-on chanter ? Souffrait-elle d'une folie de thésaurisation qui la poussait à se coucher tous les soirs sur un matelas constitué de liasses à l'effigie de Benjamin Franklin ? Cela me faisait penser à une vieille femme rencontrée à Paris lorsque j'y étudiais. Atteinte de gâtisme et vivant dans la crainte d'un éventuel krach boursier, elle cachait l'argent de sa pension dans les endroits les plus saugrenus. Hélas, souffrant de troubles de la mémoire, elle oubliait ensuite la localisation de ses cachettes et galopait dans les couloirs de l'immeuble en s'arrachant les cheveux. Son médecin m'avait appris que ce symptôme était répertorié sous l'appellation « stratégie de l'écureuil ». Puisqu'une légende tenace affirme que ce petit animal, doué d'une mémoire défaillante, oublie systématiquement l'emplacement des provisions qu'il a engrangées pour l'hiver. Sawana souffrait-elle d'un mal analogue ? Les additions rapides auxquelles j'étais parvenu laissaient entrevoir un butin avoisinant les 8 millions de dollars. Où était-il passé ? La fatigue m'a rattrapé. Et j'ai pu enfin m'offrir 2 heures d'un sommeil paisible. À 8 heures du matin, j'ai déverrouillé la porte et regagné le rez-de-chaussée. Je n'étais pas au mieux de ma forme, mais j'avais connu pire. J'ai avalé un méga-bol de café noir très sucré dans l'espoir de me décrasser l'esprit, puis j'ai décidé d'aller courir le long de la berge. Transpirer me ferait du bien, sans compter qu'à cette heure matinale, le soleil n'était pas encore commuté en mode lance-flamme. J'ai enfilé une tenue de sport et quitté la maison sans croiser personne. Gary était claquemuré dans son Winnebago de luxe. Quant à Benjamin, il cuvrait probablement sa vodka et ses pilules du bonheur jusqu'à midi. Le démarrage s'est avéré pénible. Les premières atteintes de l'âge se faisaient sentir. J'ai pensé, dans 7 ans, tu auras 40 balais, ma vieille. Sans trop savoir ce que j'éprouvais. N'ayant jamais été d'une beauté ravageuse, j'étais moins sensible que mes congénères aux problèmes du vieillissement. Au bout de 20 minutes, muscles et articulations se sont réchauffés et j'ai pu galoper comme une gazelle. C'est alors qu'un type a surgi de derrière un bloc de ruines, me barrant le chemin. C'était le gros mec en treillis venu se coller à la grille du jardin la veille au soir pour me faire signe. Il brandissait un truc métallique sur lequel le soleil ricochait, m'aveuglant. Alors que j'allais lui expédier un coup de pied au bon endroit, j'ai réalisé qu'il s'agissait d'un badge de la police, ce que les voyous surnomment un donut. « N'ayez pas peur, a-t-il lancé, je ne vous veux aucun mal. » « Je suis le lieutenant Finchcolder de la police du comté de Palm Springs. Je veux juste discuter. C'est possible ?» Comme j'hésitais, il a sorti une carte officielle de sa poche. Il y était photographié, plus jeune, et les documents portaient en travers le cachet « Retired », signifiant qu'il n'était plus en activité. C'était donc un flic retraité. J'ai également une licence de détective privé, a-t-il précisé. Elle est valable, mais je préfère ne pas l'exhiber, ça ne fait pas sérieux. Pouvons-nous discuter? Je loue un bungalow juste à côté. Je sais qui vous êtes et pourquoi on vous a engagé. Je tenais à vous avertir que vous courez un grave danger. J'ai pesé le pour et le contre. Mon père l'aurait classé GLL, c'est-à-dire gros, lourd, lent. En cas de problème, je n'aurais aucune difficulté à le prendre de vitesse. J'avais été formé à ce genre de choses. J'ai accepté l'invitation. Les buzzards se sont mis à hurler en chœur, comme pour me signifier que c'était une bêtise. J'ai donc suivi Finch jusqu'à un bungalow en mauvais état, coincé entre les ruines d'un magasin d'articles de plage et celle d'un café qui s'émiettait depuis 4 décennies. L'ancien flic a poussé la porte. L'intérieur, encombré de cartons vomissant des flots de dossiers, avait tout de la décharge de vieux papiers. Une myriade de photos et coupures de presse, punaisées au long des parois, tenaient lieu de tapisserie. Une cafetière électrique émettait des râles agonisants sur le plan de travail de la cuisine ouverte. Sans me demander mon avis, Finch a rempli deux tasses ébréchées et m'en a tendu une. Elle portait le slogan « We want Nixon ». « Asseyez-vous », a-t-il lancé. « Je ne suis pas un maniaque. J'étais lieutenant à la division criminelle de Palm Springs pendant 20 ans et ensuite shérif d'un comté voisin 10 autres années. J'ai des références solides. Si j'ai échoué ici, c'est parce qu'avant de casser ma pipe, je veux élucider une affaire qui m'a toujours glissé entre les mains comme une savonnette mouillée. Je me suis assise à une table encombrée de photocopies illisibles. Un ordinateur et une imprimante bas de gamme complétaient l'installation. On n'était certes pas dans une annexe de la Sécurité nationale. Finch Calder m'a imité. Il paraissait soudain moins sûr de lui. « Je vais essayer d'être bref », a-t-il commencé. « Vous avez mis les pieds dans un nid de serpents. » Sawana Warlock n'avait rien d'une vieille dame tranquille qui sirote du thé et tricote entre deux romans façon Agatha Christie. Quand elle se nommait encore Hélène Marie Fogarty, elle a vécu un drame affreux. Son père, Sean, engagé volontaire dans les Marines, avait servi au Vietnam. Il avait été très ébranlé par le scandale du lieutenant William Colley, poursuivi en conseil de guerre en 1969, pour le massacre de la population civile de Song Mai. Sean considérait cela comme une injustice. Selon lui, Calais et ses hommes étaient en état de légitime défense lors des faits, donc le procès qu'on leur intentait était inique. Bref, le papa de Sawana fut blessé et rapatrié aux USA en 72. Pour dire la vérité, il avait été classé SPT, et sujet à des hallucinations sporadiques pendant lesquelles il se croyait encerclé par les Viet Cong. Le 1er mai 1972, les troupes du Nord-Vietnam envahirent Quang Tri, une ville du Sud. C'en était trop pour Sean. Lors d'une crise de démence, il éventra la baïonnette sa femme et les deux sœurs d'Hélène Marie. Celle-ci échappa au massacre en se barricadant dans la cave de la maison. Elle y demeura jusqu'au 9 mai, jour où l'aviation américaine, en manière de réprimande, bombarda Hanoï et Haïphong. Pour célébrer l'événement, Sean se mit à tirer en l'air, trouant ses plafonds. Les voisins s'empressèrent de prévenir les flics. Quand il les vit arriver, le papa Barjot découpilla une grenade Mills et se fit sauter. La première chose qu'Hélène Marie a aperçue en sortant de la cave, c'est la tête arrachée de son père en équilibre sur la dernière marche de l'escalier. À la suite de cet épisode, elle a passé 2 ans en hôpital psychiatrique. Mutisme, agoraphobie, incapacité à établir le moindre contact avec les autres. C'est alors qu'elle a suivi une thérapie d'expression artistique. Elle s'est prise de passion pour l'écriture, ça l'a ramenée à la vie. Quand elle a quitté l'asile, elle avait 23 ans. C'était le lundi 4 février 1974. Patricia Hearst, la fille du milliardaire, venait de se faire enlever par l'armée symbionnaise de libération qui allait lui laver le cerveau. Voilà dans quelle atmosphère elle a baigné. D'accord, ai-je admis, elle a vécu un traumatisme majeur. Mais c'est le cas de beaucoup d'artistes. Je sais, je ne suis pas complètement bornée, a rétorqué Finchcolder. Là où ça coince, c'est que j'ai interrogé des collègues de l'époque. Deux d'entre eux n'étaient nullement convaincus de l'innocence d'Hélène Marie. Comment cela ? En fait, il a soupçonné carrément d'avoir assassiné sa mère, ses sœurs, et d'avoir balancé la fameuse grenade sur son père avant de courir s'enfermer dans la cave pour jouer les victimes. Bien évidemment, on ne pouvait rien prouver, mais j'ai fait une enquête de voisinage, d'où il ressort qu'elle s'entendait mal avec sa famille et que de violentes disputes l'opposaient à ses proches. Quand elle était à l'école, elle avait plusieurs fois fait l'objet de renvois temporaires pour comportement agressif. Encore une fois, ça ne prouve rien. J'essaie de souligner qu'elle n'avait rien d'une blanche brebis. À 12 ans, elle a cassé la mâchoire d'un garçon avec un caillou. En cours de sciences naturelles, elle a blessé volontairement sa voisine d'un coup de scalpel. Bon, je vois que vous n'êtes pas convaincu. Alors passons à autre chose. On était au milieu des années 70, celle du grand délire californien. Les gourous, les stas tantriques, les hallucinogènes, les sectes, le détour obligé par Katmandou. Hélène Marie a plongé là-dedans. Elle a vécu dans une communauté qui mettait les femmes en commun dans le désert du Nevada. Ces gens-là vénéraient Timothy Leary et se grillaient la cervelle au LSD. Ils adoraient accessoirement Satan et organisaient des sabbats auxquels étaient conviés des intellos progressistes de LA. La participation, bien sûr, était payante. En fait, c'était de la prostitution déguisée en expérience des limites, comme on disait à l'époque. Une belle excuse pour donner libre cours aux plus mauvais instincts. Un truc à la Charles Manson ? En gros, oui. Hélène Marie est devenue la favorite du gourou, un type qui se faisait appeler Tsar Macorius. Au bout de 2 ans, le bâtiment qui leur tenait lieu de chapelle a été incendié. Encore une fois, rumeur d'assassinat, de sacrifices humains, de suicides provoqués. Vérifié ? Non, il n'y a eu aucun survivant, à part Hélène Marie, bien sûr. C'est alors qu'après avoir volé sous la couverture radar pendant 1 an, elle réapparaît en femme de lettres. La grande métamorphose. Elle envoie à un éditeur populaire un roman policier décrivant les turpitudes d'un groupe de hippies versant dans le satanisme. Turpitude qui débouche sur des sacrifices humains, puis le démembrement du gourou, que ses disciples dévorent au cours d'une cérémonie solennelle après avoir ingéré une mégadose de champignons mexicains. Le bouquin, qui ne lésine pas sur les scènes scabreuses, fait un succès. Elle est lancée. Désormais, elle se nommera Sawana Warlock. C'est la reine du polar, pour ne pas dire la grande impératrice. On dirait le CV d'une rockstar. Ne plaisantez pas. Les présomptions sont sérieuses. Vous devez garder à l'esprit que nous sommes peut-être en présence d'une folle homicide qui n'en est pas à son coup d'essai. Je ne comprends pas. Vous parlez d'elle comme si elle était vivante. Oui, parce que je doute qu'elle soit réellement morte. Réfléchissez. On n'a jamais retrouvé son corps. Elle a disparu un beau matin en emportant le magot amassé grâce à ses foutus bouquins. Cela fait réfléchir, non ? Bon sang, mais ça lui ferait quel âge ? Pas si vieille que ça, 66, 67 ans. Ce n'est pas une mémère qu'Akoshim. S'il a eu recours à la chirurgie esthétique, et elle en avait les moyens, elle peut aujourd'hui paraître 15 ans plus jeune. Elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Ça, c'est Gary qui l'affirme. Le fidèle Gary, son dernier gigolo en date. Son témoignage n'est guère recevable. J'ai pris le temps de vider ma tasse de café. J'étais troublé. Les révélations de Finchcolder venaient fortifier les doutes qui m'avaient saisi durant le dépouillement des archives. « Admettons, ai-je prudemment soupiré, qu'est-ce que vous savez d'autre ? Sur Gary, par exemple. Ce n'est pas n'importe qui, il a connu son heure de gloire. Il a été musicien. Dans les années 80, avec son groupe, Chewing Gum Magnetic Tape, il a fait deux ou trois succès au box-office. Il avait tout juste 18 ans. Ils sont même passés en première partie d'un show des Rolling Stones. Et puis il est retombé dans l'anonymat, a fait un stage dans un groupe de bikers au Texas. Rien de vraiment méchant. Petit trafic d'armes et de faux papiers. Jamais arrêté, il est passé entre les gouttes. On ignore comment il a connu Sawana. Le fait est qu'il est devenu son garde du corps, son homme à tout faire. Sans doute son gigolo. Je le croyais plus âgé. La débauche l'a prématurément usé. Ah oui, la rumeur affirme qu'il aurait été acteur porno, puis callboy bisexuel. Il était, paraît-il, réputé pour la taille de son membre. On le surnommait Pipeline, c'est tout dire. Moi, je le soupçonne d'assassinat. Pourquoi ? À une époque, il y avait un émigré russe qui se prétendait voyant extra-lucide et essayait de gagner sa croûte en exploitant la crédulité des retraités et des rares touristes du coin. Un charlatan. Sawana l'a pris en grippe. Elle s'est mise dans la tête qu'il utilisait la télépathie pour lui voler ses idées. J'en ai entendu parler. Alors, vous devez savoir qu'on l'a retrouvé noyé, flottant à la surface du lac. Étant donné qu'il s'agit d'une eau salée à flottabilité élevée, il faut beaucoup de bonne volonté pour se noyer dans une pareille saumure. C'est certes plus facile si quelqu'un vous maintient la tête sous l'eau durant le temps adéquat. Je suis persuadé que Gary s'en est chargé. Gary, c'est le pitbull de Sawana. Peut-être l'est-il encore, allez savoir. Soyez prudente. Si Sawana rôde toujours dans le coin et que votre figure ne lui revient pas, ça tournera mal. J'ai reposé ma tasse sans la vider, le café était infect. Finchcolder ressemblait trop à ces vieux enquêteurs qui, pour meubler leur solitude, s'obstinent à résoudre un mystère n'existant que dans leur imagination. Merci pour votre avertissement, ai-je lâché. Mais on m'a engagé pour une remise en état de la baraque, rien de plus. Je n'ai pas l'intention de jouer les détectives. Finch a laissé échapper un ricanement. Vous ne pigez toujours pas. Sawana avait le meurtre dans le sang. La littérature n'était qu'un pis-aller. Elle s'est jetée là-dedans avec l'espoir qu'écrire ses fantasmes la dispenserait de passer à l'acte. La catharsis. Cela n'a fonctionné qu'un temps. Au fur et à mesure que sa folie s'aggravait, elle s'est trouvée dans l'obligation d'obéir à ses instincts. Elle a commencé à tuer. Un meurtre par-ci, par-là, pour faire tomber la fièvre. « Je crois que vous vous laissez emporter, ai-je soupiré en repoussant ma chaise. Vous n'avez aucune preuve, aucun élément solide. Je sais bien, a marmonné Finch en baissant les yeux. Elle est forte. Elle n'a jamais laissé aucun indice derrière elle. Et puis elle était célèbre. C'est difficile pour un petit flic de s'attaquer à une personnalité en vue. Tout à coup, il me faisait de la peine. J'ai préféré abréger l'entrevue. Je l'ai remercié pour le café et je suis sortie, avec un poids sur l'estomac et un nœud dans la gorge. Certes, il ne m'avait pas convaincue, mais il avait réussi à m'effrayer.